Les journaux de divers pays du monde ont traité spécialement le 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. Le journal népalais Arfan, le journal Nigerian Observant, le vénézuélien Politica, le bangladais Daily Folk, les laotiens Passason et Paterao, le brésilien Orado Pobo, le pakistanais Election Times et d'autres ont exalté la vie révolutionnaire sacrée du président Kim Il-sung en présentant qu'il est le grand leader que le peuple coréen a connu pour la première fois dans son histoire plusieurs fois millénaire. Le Birman de New Age et le journal du Congo démocratique La Prospérité ont écrit que le nom auguste du président Kim Il-sung, fondateur de la Corée socialiste, brille à jamais avec le XXe siècle pour avoir opéré un tournant sans précédent dans le remodelage du destin de l'humanité. Ils ont exalté qu'il est le pionnier de l'époque d'indépendance, le grand dirigeant sans pareil dans l'histoire, le vétéran politique du monde et l'incarnation de l'amour humain douillé de la noble vertu.